Bonjour tout le monde, vous êtes au courant qu'à partir de lundi à Strasbourg, il y a un énorme festival de poésie qui a lieu ? Non ? Ah, bah je suis ravi de vous l'apprendre dans ce cas-là. À partir de lundi, il y a la Coupe de la Ligue Slam de France qui débarque à Strasbourg. Un championnat de France de slam et de poésie. Jamais vu à Strasbourg. 12 villes en compétition, plus des invités internationaux. Il y aura des scènes ouvertes, des scènes à thème, des spectacles et des performances, des lâchers de poètes, des repas cabarets. Tout ça, c'est du lundi 22 mai au 28 mai. Une semaine de poésie dans différents lieux à Strasbourg. Vous pourrez retrouver le lundi 22 mai au local un tournoi de la dernière minute. Le mardi 23 mai à l'hôtel Grafalgar, vous aurez un cabaret slam qui s'intitulera « Bienvenue à l'hôtel Grafaslam ». Le 24 mai, au Kitchen Bar, il y a le tournoi de la dernière chance qui démarra pour les slameurs qui n'ont pas réussi à se qualifier. Et à partir du 25 mai, à la salle du manège, a lieu la Coupe de la Ligue Slam de France. C'est sur 3 jours et c'est à pas louper. Les places seront sur place en vente. Les 3 jours sont à 15€, la journée est à 8€ et le dimanche est à 3€. Sinon, les autres événements de ce festival sont à prix libre. Ce festival vous est présenté par l'association Plus ou Moins Non et ses partenaires, acteurs de la vie culturelle locale. Alors, réserve ta semaine, passe l'info à tes amis. Et on t'attend à partir de lundi sur le festival. C'est cela, oui.